bonjour tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Et oui, nouveau thème, donc nouvelle aventure qui se poursuit. Après 25 ans, on rafraîchit la chose comme telle et on poursuit à faire la promotion de la musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai entre autres les Hôtesses d'Hilaire, j'ai du Chloé Bro, du Brigitte Leblanc, l'album La Semaine, Alexandra Streliski, deux Félix pour Alexandra Streliski au dernier gala de la disque. Bravo pour elle. Donc, j'ai aussi pour vous du Luc Grandmaison, Jenny René, René Ray. J'ai également du Michel Grégoire en instrumental, Loïc Morin, Eve and the Talent et bien d'autres. Donc, restez là. Je vous reviens dans quelques instants avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bonne émission! Bien, bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des zones. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne à chaque semaine. Merci au réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chiticamp, OUI-FM 98 Halifax, CIFA Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe en Ontario. Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG, Gravelbourg, Saskatchewan, Radio Cité 97.9, Edmonton, les nouveaux venus dans la gang, bravo, merci de nous diffuser, ça nous fait plaisir de vous offrir cette émission-là. Donc, merci à toute la gang de Edmonton en Alberta. CJLS, ça c'est Victoria, Colombie-Britannique, et CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Bien sûr, si vous avez des commentaires, des suggestions, même des contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Envoyez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@commercial.gmail.com. Ça me fait plaisir de rentrer en contact avec eux, recevoir leurs produits et leur faire tourner à Canrock. Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. On a célébré tout récemment nos 25 ans avec une émission spéciale live en direct ici à Penetanguishene. Et bien sûr, on est prêt à continuer un autre 25 ans si la santé nous le permet. Parce que c'est mon plaisir, c'est vraiment là, je fais ça de façon un peu égoïstement, ça me fait du bien de découvrir tous ces beaux artistes franco-canadiens-là, et si je peux leur donner un coup de pouce en faisant diffuser leur musique, ben c'est correct comme ça. On va y aller avec une chanson souvenir, voici 17:55, la gang arrive. Jazz rouge, don't know how to

Ah, c'est beau, ça, là. C'est bien fait, là. Mais Julia, je sais pas comment te le dire. À cette heure, j'écris mes propres chansons. C'est la chanson Soquin de l'année pour les prix de la musique NB. Méchant party pour les hôtesses d'Hilaire en passant pour les prix de la musique NB. Écoutez, pas moins que 5 trophées pour les hôtesses d'Hilaire. Je suis bien content pour eux. Ils ont remporté l'enregistrement de l'année. Chanson Soquin de l'année qu'on vient d'entendre, Spread the Love. Il y a aussi l'enregistrement groupe de l'année, artiste de la scène. Et puis, choix du public, ça, c'est le meilleur trophée, je pense, qu'un artiste peut recevoir, parce que c'est vraiment le public, ceux qui achètent les albums, qui écoutent la musique, qui a voté pour ça. Donc, bravo aux hôtesses d'Hilaire, 5 trophées, 5 petites statuettes pour les prix de la musique NB au Nouveau-Brunswick. Je suis bien content pour eux et je ne sais pas si leur opéra rock va se promener un petit peu plus tard au Québec et en Ontario un peu plus. Si oui, j'aimerais bien ça les voir parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, la musique qui se retrouve sur cet album-là, viens nous voir, viens avec moi. Plutôt, c'est vraiment de l'excellente musique, c'est une belle production, bien content pour eux. Donc, on vient de les entendre avec Spread the Love. On va continuer en musique dans quelques instants avec une artiste que j'ai découvert il y a plusieurs années. Et elle vit quand même une carrière assez indépendante à sa manière à elle. Mais c'est vraiment intéressant. C'est très soul, très roots, folk, blues. C'est le style que je pourrais décrire le prochain artiste qu'on va entendre. Elle s'est méritée tout simplement l'enregistrement solo de l'année avec son album « Tumeur à l'ego ». C'est Maggie Savoie. Je l'ai découvert comme ça par pur hasard. Et c'est vraiment... J'adore ce qu'elle fait. Et ça, c'est une fille que j'aimerais bien croiser un jour puis lui dire en personne qu'elle fait du bon produit. Puis on est fiers de faire tourner ça à Canrock. Encore une autre fois, félicitations à Maggie Savoie pour enregistrement solo de l'année. Félicitations aux hôtesses d'Hilaire, bien sûr, et félicitations à tous les artistes qui étaient en nomination et qui ont aussi gagné des prix pour les prix de la musique NB. Donc, on va y aller en musique, si vous voulez bien, tiré de son album « Tumeur à l'ego ». Retenez ce nom, Maggie Savoie, voici 27 sous zéro. Sous zéro, la vie prend un break. Le fret qui me transperce le corps, pas encore réussi à me glacer le cœur. Peinted sous zéro, la fumée qui sort de la cheminée, avec son air de toffe, nous laisse savoir que le fret y fait pas peur. Silence glacial qui me dit si tu te veux réchauffer l'âme, fais-toi un feu dans la cabane. Beau. j'endure rien parce que dans la cabane, ben il fait beau. Reste là, ne bouge pas, continue de bûcher les arbres, tu verras, ne doute pas, à force de frapper, tout va tomber. Tout va tomber. Bouquin noir, plus d'espoir, où est-ce qu'on va s'en aller? Respirer, pas penser, faire notre vie dans un gros cendrier. Plus fort quand on y pense. Est-ce que c'est celui avec la dent en or? Qui est le plus fort quand on y pense? Est-ce que c'est celui qui parlera plus fort? Vide, poisson mort, caviar empoisonné, la mer crie dans le brouillard, est-ce qu'on finira par l'écouter? Par l'écouter, yeah. Oh, reste là, ne bouge pas, continue de bûcher les arbres, tu verras, ne doute pas, à force de frapper, tout va tomber. Tout va tomber. Avec la dent en or, qui est le plus fort quand on y pense? Est-ce que c'est celui qui parlera plus fort? Chloé Bro, et quand on y pense, Chloé Bro, qui s'est mérité en passant pour les prix de la musique NB. Le vidéoclip de l'année, donc très beau vidéoclip aussi, très bien fait. J'ai regardé ça, c'est assez intéressant. Donc, puis ça, c'est une autre artiste à surveiller, Chloé Bro, là, attention, mais qu'elle sorte son prochain album complet. Je suis pas mal certain que ça va être super excellent, donc à suivre. Parlant d'albums, bien, il y a des nouveaux albums qui sont arrivés. Il y a celle, entre autres, de Brigitte Leblanc, hein, « Mon cœur est une île ». On va entendre les Highways de la musique, très bonne chanson country de Brigitte Leblanc, qui a aussi sorti un livre, donc sur un livre, une biographie, donc à suivre bien sûr. Faites brigitteleblanc.com ou allez sur Facebook, faites Brigitte Leblanc, vous allez découvrir une belle artiste des îles de la Madeleine. Donc on va écouter tout simplement les Highways de la musique et on va terminer ça par une nouveauté de Sirène et Matelot, de leur album Sirène et Matelot. Ça s'appelle En Way, ça s'en vient également. I'm laisse rouler le bon temps. Dans un bar sur la route du blues, j'ai trinqué avec Gabriel. Je voulais retrouver ce blues avant de monter jusqu'au ciel. Que reste-t-il de nous? La pointe au loup jusqu'au bayou. Une fois au sud de Bâton Rouge, j'ai vu la ville de Thibaudeau. Danser sur des musiques qui bougent, le bleu, blanc, rouge de mon drapeau. Que reste-t-il de nous? La pointe au loup jusqu'au bas. Filet de tristesse et de joie du monde. Ah ouais, ah ouais.